tu traverses la rue, quand tu parles aux inconnus, quand tu rencontres un papou, fais attention à toi, fais attention à toi. Quand tu vas dans la forêt, quand tu te baignes dans le marais, quand un ours s'approche trop près, fais attention à toi. Quand tu joues aux PlayStation, quand tu flattes un gros lion, fais attention à toi, fais attention à toi. Mes amis, votre énergie titanesque m'impressionne beaucoup. Cette chanson est très très cool. Hey, merci Roger, mais c'est pas tout à fait fini. C'est bon, Roger. Non, non. Tes nananana sont pas très, très convaincants. Ah, vraiment. Je suis sincèrement désolé. La prochaine fois, je vais fermer mes haut-parleurs. Comme cela, vous ne m'entendrez pas. Merci. Tu es vraiment compréhensif, Roger.